Spice, K.A. tout dit. T'es pas la connect, ça c'est notre équipe. Speed, life, action, Jim, Jackie, Coke, Juice. On raconte nos lives, on raconte nos blues. Boss, ich gehe ne Feeling, Alter, bis nach Frankreich. Ness ist mein Brat, guck wie ich ihm die Hand reich. Dino, schau mich an, unser Traum wird wahr. Und wenn wir weitermachen, ficken wir den Rest in diesem Jahr. 23 Studio, unser Eigentum. Komm her und bezahl, alle Stricke reißen nun. Schau mir in die Augen, siehst du die Träne fließen. Wir haben es verdient, weil wir Rap durch unsere Vene schießen. Du bist Street Pirate Fiction, nur eine Vision. Nur geträumt, nichts erlebt, jeder Depp ist ein Klon. Und du kannst mir eins glauben, ich werde einkaufen und bei dir einlaufen durch deinen Scheißhaufen. Ich bleibe straight, schau nicht so schwul, ich bin immer noch der gleiche, ganz egal was du tust. Und ich breche jede Schranke, du bist eine Schande. Gott bleibt für mich der Einzige, dem ich danke. Deutschland, Frankreich, K.A. du die Test Balakone, Sasse Moneki, Speed Life. Jeden gnadenlos am Mikrofon. Das hier ist Kampfgeist, bis wir krepieren. Dieser Track hier ist wie ein Fick ins Gehirn. Alles cool, denn ich treffe den Takt. Wir sind Bros, auch wenn es mit den Rappen nicht klappt. Haltet euch fest, es ist Lesson Netflix. Was willst du tun, da staunen deine besten Ex. Frankreich, Deutschland, was willst du stören? Free Dino Gaddafi, macht hier die Mörder Beats. Alles übertrieben krass, alles passt perfekt, man. Gänsehaut bei diesen Rappern. Deutschland, Frankreich, K.A. du die Test Balakone, Sasse Moneki, Speed Life Action, Jim Jackie Go Juice. On raconte nos lives, on raconte nos blues. Deutschland, Frankreich, K.A. du die Test Balakone, Sasse Moneki, Speed Life Action, Jim Jackie Go Juice. On raconte nos lives, on raconte nos blues. Zack, un gros spliff, serre un petit jack, acerre ce track. Et je t'assure que tu craques, c'est le son de l'été. C'est un son pour fêter, c'est un son qui te met bien, mais cacha ou pété. C'est un old school style, c'est un bon freestyle. Tout Jeep et K.A. font que les MC style. Et depuis que je braille, je me sens si high. Et ce n'est que devant le mic que je sniffe mes rails. C'est de l'amour que je donne, c'est ainsi que ça sonne. C'est comme ça que je cogne quand les vibes sont bonnes. Dans un pouce à écrire, quand une instru m'inspire, je relate mes sentiments, les meilleurs et les pires. Pour mon frère Rémi, pour mon frère Régine, les mecs les plus foncés et les mecs les plus clean. Toi-même tu sais que tout Jeep garde les plus par terre. Toi-même tu sais que tout Jeep n'est pas là pour plaire. Deutschland, Frankreich, K.A. tout dit. Test pas la connex, ça c'est mon équipe. Speed Life Action, Jim Jackie Go Juice. On raconte ton live, on raconte. Gedacht, Rap verreckt wie oldschool. Guck, ich habe mich geirrt. Neuer Input, wie von dem Uhl. Du und die Riem, der Malate, Fu. Das ist echte Emotion, prozessiert von Pro Tools. Ey, mir des Adnan, Emir Loro. Repetiert das Gewehr, schreibt ihr sur sa chance. Je suis le légionnaire, homie, nous son frère. Ton père est con, mon père familier. Né dans le ghetto, génération du béton. Jeep, Gaddafi, Army, mec, laisse béton. Cherche pas à couper les ponts. Tu sais, c'est la famille réelle et la connexion. De l'affection pour les vraies exceptions. Mais pas pour ces fils de pute qui nous mettent la pression. Jamais nous ne laisserons faire du mal à notre son. On apporte un second souffle dans une verbale agression. Step by step, stair by stair, we do this damn things. Carrying all your fucked up tracks, oh yeah. Look at me now, Gaddafi roll on bro. We smash every single bone all night long, yeah. Staje majmune, slow me shoot the village. zu. Probaj dalje ukradene taktike, jebem ti mamicu. Tvoj rap, ko iz Kapandu, Kadafi Army i tu tip Rupača u pisarski zub. Tu peux test, jamais les bras nous ne baissons. A chaque pas que l'on fait, on fait sauter les caissons. Demande aux frères, fiers de nous, ils sont. On représente le son, big up aux frères en prison. C'est la pression, vers sombre est l'horizon. On avance comme on peut en attendant l'oraison. Cherche pas nos raisons, le son dans les eaux. Tout Deep, Kadhafi, Army, c'est le réseau. Deutschland, Frankreich, KA, tout Deep. Test par la Connex, ça c'est mon équipe. Speed Life, Action, Gin, Jackie, Coke, Juice. On raconte ton live, on raconte ton blues. Deutschland, Frankreich, KA, c'est mon équipe. Speed Life Action, Chill Jackie Go Juice. On raconte nos lives, on raconte nos blues.